Voici Noël, Babylone aux vitrines, a mis la fête en cadeau tarifé, tout droit sorti de lointaines usines, où des enfants s'en vont travailler. On n'a pas le temps d'y penser, faut suivre la loi du marché, il faut vendre, il faut acheter, pour que tout le monde puisse travailler. Le vent se vend mieux que les sentiments. Le vent se vend, y'a qu'à l'acheter. Le vent se vend, même au prix du sang. Le vent se vend, c'est son métier. Le Père Noël, il s'est rasé. Il a mis sa cravate rayée. Ses lunettes à monture dorée. Et maintenant il est banquier. Le vent se vend, c'est bien plus marrant qu'être dehors à se les geler. Le vent se vend, même au moins offrant. Le vent se vend, y'a qu'à payer. Voici Noël, jour béni des marchands, qu'arrive enfin le règne du veau d'or. Ils chantent tous pour son avènement, que l'argent reste seul maître à bord. Et puisque tout peut s'acheter, pourquoi pas la nativité, la marchandise immaculée, qu'on ensemence avec du blé. Le vent se vend, oui profitons-en. Le vent se vend, neuf ou soldé. Le vent se vend, c'est intéressant. Le vent se vend sans travailler. Mais sur terre à qui peut payer, malheur à ceux qui ont péché, qui n'ont pas économisé, malheur à eux, ils sont damnés. Le vent se vend, tant qu'on a de l'argent. Le vent se vend pour du papier. Le vent se vend, oui même à Satan. Le vent se vend, y'a qu'à signer. Voici Noël, jour béni des patrons, ce qu'ils donnent leur sera rendu. Voici venir leurs brebis, leurs moutons, filant tout doux pour être tendus. C'est la messe au supermarché, et les caddies vont déborder. Les haut-parleurs sont tous branchés, pour être heureux faut consommer. Le vent se vend, contre un peu de temps. Le vent se vend, y'a qu'à se lever. Le vent se vend, ça c'était pas tant. Le vent se vend sans rigoler. Les yeux rivés sur la télé, où brûle un feu de cheminée. Le consommateur extasié regarde la publicité. Le vent se vend, et même se revend. Le vent se vend, même à moitié. Le vent se vend à 200%. Le vent se vend sans calculer. Mais un jour le vent va tourner, un jour le vent va balayer ceux qui voudraient nous faire payer la vie pour le prix du péché. Le vent qui vient, le vent va tourner, le vent qu'eux-mêmes ils ont semé. Le vent qui vient, le vent va tourner, ce vent-là ne peut s'acheter.